Cher ami Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre tirage spécial amour mai 2023. Alors, quel va être le conseil ou en tout cas le petit mot, le petit message de l'oracle de Béline pour les Capricornes pour les amours 2023? Alors déjà la coupe. Bon, la coupe, elle est pas mal, apparemment, il y a une certaine paix. Alors, ici j'ai une carte matérielle. Bon, ben, il y a une paix qui concerne la vie matérielle, peut-être un apaisement concernant des questionnements ou des difficultés matérielles qui devraient du coup vous rendre peut-être plus disponible. Donc des questionnements qui s'arrangent, hein, on a la paix dessus, et cela peut-être va vous rendre plus disponible pour vos amours. Cela peut indiquer également, c'est une carte celle-ci qui peut être la générosité qui va... que vous allez dégager et qui va venir à vous aussi, la générosité des autres, qui va vous apporter la paix. Ou on va voir, parce que cela, c'est juste une coloration du jeu. Mais quel est le tirage en lui-même? Donc c'est pour les Capricornes, amour, amour, amour, 2023. Les Capricornes. Amour 2023. C'est ça. En fait, eh bien, par rapport... Alors, les Capricornes, vous allez, en haut au mois de mai, apparemment, vous réorienter vers une nouvelle passion affective. Vous allez lâcher... Les Capricornes souvent ont tendance à garder leur passion en eux et à avoir peur de l'affection, de l'attachement, pour garder leur indépendance, pour ne pas souffrir. Et ici, en fait, ces deux premières cartes, elles indiquent qu'on lâche complètement, on lâche prise et on se laisse complètement envahir par les émotions. On accepte la passion, on accepte les émotions. Suite à quoi ? Y a vraiment, vous allez vraiment passer par tourner une page par rapport aux ruptures, aux déceptions du passé et renaître complètement différemment. Alors, suite à une rencontre ou suite simplement, enfin moi normalement avec cette carte-ci, j'ai vraiment une nouvelle rencontre pour vous. Et cela va vous permettre de tourner une page définitive d'une rupture d'antan qui vous a marqué. Et vous allez accepter, avoir à nouveau accepté de faire confiance en l'amour et en cette nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, ben, vous allez à nouveau également vous lâcher de toute façon. Peut-être que vous avez eu peur dernièrement et vous allez à nouveau retrouver cette générosité de cœur que vous cachez parfois. Quelque chose va vous rassurer dans votre couple et vous allez arrêter d'avoir peur de la rupture ou arrêter de vous dire que c'est trop beau pour durer ou des choses comme cela. Et vous allez vraiment renaître différemment et retrouver un nouvel élan dans votre relation amoureuse. En tout cas, le message, il est là. Ayez confiance. Lâchez les vannes. Laissez-vous aller à vos émotions, à votre amour. Acceptez-le. Laissez-le aller. Et vous n'allez vraiment pas souffrir en retour. Bien au contraire. Voilà. En tout cas, donc vraiment, ayez confiance. Je vous souhaite un très beau mois de mai.